Le mal du riche. De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Le mal du riche. Au docteur Campbell. Si j'étais médecin, ce dont Dieu vous préserve, je voudrais ressembler au docteur Canary, un docteur agréable et connu dans Paris. Je ne désire pas que son talent vous serve, mais sachez qu'il existe au moins un médecin usant modérément de l'huile de ricin, ennemi déclaré des anciennes formules, sobre de purgatifs, d'onguents et de pilules, n'ayant ni l'air pédant ni le ton doctoral, et traitant ses clients par le côté moral. Il donne des conseils et non des ordonnances. Il sait du cœur humain toutes les défaillances. Au travers du malade, il voit l'homme, et guérit la forme par le fond et le corps par l'esprit. Que si vous contestez l'effet de ce système, je m'en vais le laisser vous l'expliquer lui-même. Je ne suis pas, dit-il, un coureur d'hôpitaux. Quelques hôtels l'hiver, l'été, quelques châteaux. Des femmes, des amis, telle est ma clientèle. Elle reste la même, elle se renouvelle, car le mal a toujours volontiers habité, en hiver, des hôtels, des châteaux, en été. Je donne des avis aux vieillards qui se plaignent, aux viveurs qui se tuent, aux femmes qui se peignent. Je sonde la blessure et je trouve l'ennui, ce grand désolateur des riches d'aujourd'hui. Les estomacs blasés, les âmes affadies, les vapeurs et les nerfs, voilà les maladies que les pauvres n'ont pas, ne pouvant les avoir, et que je veux guérir. C'est ce que l'on va voir. L'an dernier, au printemps, cette saison discrète, qui ne montre jamais les appâts qu'on lui prête, notre docteur fut appelé chez un monsieur Rondeau, commerçant en retraite, si riche qu'on pouvait le croire ensorcelé. Ses rivaux le disaient, mais dame renommée est souvent si mal informée. Je veux croire avec vous qu'il n'avait pas volé. Quoi qu'il en soit, cet homme, heureux dans son commerce, ne se tint pas pour satisfait. On aurait pu croire, en effet, qu'il voulut essayer de la fortune adverse, car il joua son bien à la bourse. Et voilà le plus singulier de l'histoire. Il dut le perdre tout, comme vous pouvez croire. Non, au contraire, il le tripla, par un caprice de la lune. Puis il fut décoré pour avoir fait fortune. 4 ans après, il fut fait officier pour avoir été chevalier. Puis il se fit nommer Rondeau de la Tremblade. Puis il fut député, puis il tomba malade. Malade d'ennui, de langueur, dégoût de tout plaisir, perte de la mémoire, marasme, égoïsme, humeur noire, hébétement d'esprit, dessèchement de cœur, maladie inconnue, étrange, ténébreuse, dont le nom jusqu'ici n'est pas même inventé. Les docteurs de la faculté, ne la connaissant pas, l'appelèrent nerveuse, plus hardis et moins ingénus que leurs confrères géographes qui nomment pays inconnus les pays inconnus où naissent les girafes. Tous les médecins de Paris furent interrogés, pris, laissés et repris, mais les choses n'avançaient guère. Réunis, ils n'avaient qu'un même sentiment, s'appelant « mon ancien, cher maître, cher confrère ». Séparés, ils étaient toujours d'avis contraire, l'un traitant l'autre d'âne, et réciproquement. Quant au malade, il était immuable. Tous les jours, la famille attendait un sauveur qu'on accueillait d'un visage agréable. Le lendemain, on envoyait au diable le prétendu libérateur. Voilà dans quelles circonstances fut appelé notre aimable docteur. Il palpa le malade en toute conscience, interrogea le pouls, la poitrine et le cœur, interrogea surtout et l'esprit et la tête, puis sortit le front haut, comme un homme aguerri. La famille attendait, haletante, inquiète. « Eh bien, docteur, parlez, mon père, mon mari !»« Madame, il a le mal du riche. »« C'est-à-dire, achevez, le remède !»« Il en est incertain. »« Ordonnez, cher docteur, je promets de souscrire. » Qu'il perde sa fortune, il est guéri demain. Je vous laisse à penser ce que pensa la dame. Elle pensa s'évanouir, puis elle rit bien fort. Puis, Variant sa gamme, elle pleura, la pauvre femme, jurant par-dessus tout de ne pas obéir. Le docteur restait impassible. Alors on affecta de plus doux mouvements. Parcourant les degrés de l'échelle sensible, on en vint au tempérament. On demanda s'il n'était pas possible de transiger à 50%. On n'en aurait pas donné 4. Mais on offrait beaucoup en se disant qu'il est toujours temps d'en rabattre. Cependant, je dois l'avouer, le docteur, jusque-là si placide et si ferme, se laissa flatter l'épiderme et finit par s'amadouer. En effet, par état comme par caractère, les médecins intelligents ne veulent pas la mort des gens. Le nôtre était de ceux qui veulent au contraire. Canari était bon, et pourvu qu'on obtînt de bien persuader au podagre égoïste qu'il était devenu plus pauvre qu'un artiste, le but n'était-il pas atteint? L'important, après tout, était la maladie. Pardonne aux graves facultés si l'un de tes clients fut indûment traité par un moyen de comédie. Canari fut chargé de porter le grand coup. Rondeau, le regard fixe et la tête troublée, se laissa doucement attacher le licou. Sa famille était là, pleurante, désolée. On inventa 1000 récits malsains, des fuites de banquiers, des vols, des barricades. Que ne fait-on croire aux malades? Demandez à leurs médecins, demandez à leurs valetailles. Et puis les riches, m'a-t-on dit, sont toujours convaincus qu'ils mourront sur la paille. À tout ce qu'on voulut, il ajouta crédit. Dire qu'il n'en prit pas une effroyable fièvre, cela serait mentir par la langue et la lèvre. Il faillit en mourir, mais il n'en mourut pas. Le lendemain, par un froid de décembre, il se leva sans bois et sans valet de chambre, parcourut la ville à grands pas, mit en vente chevaux, hôtels, parcs et voitures, alla chez ses clients anciens, les réveillant, leur contant sa déconfiture, qu'il n'avait plus de sous vaillants, qu'il allait revenir à son ancien commerce, revendre l'indigo, le sucre et le cachou. On ne fit pas de controverse, par la simple raison qu'on le supposa fou. On subit sans broncher sa triste confidence, et, par respect pour sa démence, on feignit de le croire, et l'on prit en souci ce malheur prétendu que d'aucuns, je suppose, auraient voulu réel. Je vous le dis ici, sans attaquer des gens qui ne sont pas en cause, voilà donc un homme guéri, solide, vigoureux, faisant à pied ses courses, obtenant du crédit, recueillant ses ressources, bien dormant, bien nourri, signant Rondeau tout court, guéri, je le répète, et de corps et d'esprit et des pieds à la tête. 15 jours écoulés, il fallut cependant découvrir la ruse commise. C'était une rude entreprise qui demandait un ministre prudent. Le docteur Canari, qui sait faire les choses, prit son malade et lui servit du bonheur à petite dose. Savez-vous ce qu'il s'ensuivit? Non, Rondeau redevint Rondeau de la Tremblade, racheta ses chevaux qui se trouvaient tout près, ne dormit plus la nuit, mangea mal, à grands frais. La semaine suivante, il retomba malade et mourut 15 jours après. Fin de Le mal du riche.